يا للغربة، لا يوجد سلطان يحمي حدود الله في الأرض. من سد الله سجن 6 أشهر ولم ينفذ هذا القانون ساعة، ومن سد الذات الملكية يسجن في الحال. لا يوجد سلطان شرعي. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، فقال أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. لله دره، فقد رفع عنا شيئا عظيما نبحث الآن عنه. أفرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، مثل زماننا، مثل زماننا، لا إمام ولا جماعة. مثل زماننا، لا إمام ولا جماعة، لأن الجماعة ينبغي أن تحكم بشرع الله عز وجل. هؤلاء الذين يكفرون، نعم، هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على أهل النبي رضي الله عنه. شيخنا، جرى بينك وبين اخونا ابو اسحاق الحويني حوار، قلت له انك انه خليفتك. لا صحيح. الله خير. السلام عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، nous avons fait précéder cet exposé par ces 4 préambules. Dans le premier, Al-Huwayni s'écrit que nous vivons une étrangeté à cause de ce qu'il n'y a pas un gouverneur légiféré sur terre, Sultan Shar'i. Dans le deuxième document, il interprète le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu comme s'appliquant à notre ère, à notre période, c'est-à-dire qu'il n'y a ni jama'a, groupe, ni imam, gouverneur. Dans le troisième document audio, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala déclare que ceux qui jettent le takfir sur tous les gouverneurs musulmans sont bien les héritiers des Khawarij. Dans le quatrième document audio, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dément qu'il aurait dit que Al-Huwayni serait son successeur. Et le travail qui suit est un exposé des principaux points d'égarement du prédicateur égyptien dénommé Abu Ishaq al-Huwayni. Pour ce, nous nous appuyons sur l'ouvrage très riche et très bénéfique de l'honorable Cheikh Abu Abd al-A'la Khalid ben Muhammad Uthman al-Misri hafidahullah ta'ala. L'ouvrage est intitulé الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، ويتضمن المسائل التي خالف فيها أبو إسحاق الحويني. Les lignes de démarcation entre les fondements de la méthodologie des salaf صالح et entre les fondements de la قطبية السرورية. Et il contient les questions par lesquelles Abu Ishaq al-Huwayni avait contredit les salaf salih et s'était conformé au Qutbi Sururi. Cet ouvrage fut révisé et préfacé par de nombreux savants dont Cheikh Ubayd al-Jabiri, Cheikh Abdurrahman bin Salih Muhyiddin, Cheikh Hassan Abdul Wahhab Marzouq al-Banna, Cheikh Falah bin Ismail Mandakar, Cheikh Ahmed bin Umar Salim Bazmoul hafidahumullah ta'ala. Notre méthodologie de travail ici consiste à exposer succinctement les grandes lignes de cet ouvrage monumental, car il est très étoffé et riche. Il est fait en fait de 928 pages. Donc nous ne prétendons pas l'avoir résumé. C'est tout juste que nous en exposons des points essentiels. Reste beaucoup de points et beaucoup de détails à découvrir dans ce livre magnifique. Le moins qu'on puisse dire que c'est un livre fabuleux. Et celui qui lit cet ouvrage et se fanatise encore à Abu Ishaq al-Huwayni, on doit nous laver les mains de ce genre de personnes. Et c'est aussi un ouvrage qui pourrait faire une très bonne matière de l'étude pour une série de cours, par exemple. Et certes, connaître les fondements où les innovateurs avaient dévié et succombé est un bon moyen de bien comprendre la méthodologie des salaf salih, rahimahumullah ta'ala. Ce livre fut édité par Dar al-Tawhid à Fès au Maroc, ainsi que par Dar al-Ilm al-Salaf en l'année 1431 de l'Égir, coïncidant avec l'année 2010 du calendrier grégorien. Le cheikh avait défini dans l'introduction les termes de Al-Qutbiyya et de Al-Sururiyya qu'il évoqua dans le titre de l'ouvrage. Al-Qutbiyya est la plus grande secte des Khawarij contemporains et Al-Sururiyya Siafili. Al-Qutbiyya est relative à Sayyid Qutb. Dans les livres, notamment Al-Dhilal, les ombres, et aussi Ma'alim fi Tariq, des repères sur le chemin. Quel chemin! Ces deux livres regorgent de takfir des sociétés islamiques en les caractérisant par Al-Jahiliya, qui, selon lui, est plus enfoncée que celle de la première Jahiliya. Il considérait aussi les mosquées comme des temples de Jahiliya. C'est pourquoi il délaissait les salawat, les prières de Al-Jumu'a, prières hebdomadaires, et de Al-Jama'a, prières quotidiennes. Il les délaissait dans les mosquées. Aussi les groupes et les organisations kharijites, comme ceux de Al-Takfir et Al-Hijra, celui de Tanzim Al-Jihad, la secte de Al-Sururiyya et l'organisation de Al-Qaïda, l'organisation Al-Qaïda, prennent leur point de départ dans ces livres, c'est-à-dire dans les livres de Sayyid Qutb, l'Égyptien. Cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri, hafidhahullah ta'ala, souligne que Cheikh Abu al-Hussein, Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, avait bien résumé les caractéristiques des Qutbiyyins dans son livre intitulé Al-Fatawa al-Jaliya fi al-Manahij al-Da'awiyya. Même si Sayyid Qutb n'était point des gens de science, mais seulement un écrivain, il était ash'arite et il avait des erreurs flagrantes. Quand les savants les avaient montrés, les Qutbiyyins s'insurgèrent et les attaquèrent. Et Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala avait ensuite défini Al-Sururiyya qui remonte à Muhammad Surur Zin al-Abidin, qu'ils ont un mélange entre Sunna et Bid'a, c'est-à-dire les Sururi. Ensuite, il énuméra des remarques concernant les Sururi, comme ce qui suit: qu'ils détraquent les gouverneurs musulmans, qu'ils appellent un djihad contre les États islamiques, qu'ils déclarent que les savants d'Arabie Saoudite méconnaissent le réel, ou ce qu'ils appellent fiqh al-waqi. Ensuite, Cheikh Abu Abd al-A'la al-Misri, hafidhahullah ta'ala, cita des fatawa des savants al-Albani, Muqbil, al-Jami, al-Najmi et Rabi' au sujet de la sururiyya. Et en résumant encore quelques traits que voici. 1. Qu'ils suivent le cheminement des Khawarij vis-à-vis des gouverneurs en les critiquant publiquement afin d'exciter la foule et la populace et préparer le khuruj armé. 2. qu'il donne beaucoup de place à certains péchés comme Al-Hukm bighayri ma anzal Allah, le péché de gouverner d'après autre chose que ce que Allah avait fait descendre. Les sururi adoptent ici les théorisations de Khawarij en déclarant ces pécheurs comme étant mécréants, kuffar, sans détailler leur cas. Le troisième trait, qu'il contrarie la voix des salafs dans beaucoup de questions d'ordre général, comme des points de détail. 4. Leur appel à un jihad bid'i, jihad innové, n'obéissant pas aux conditions et aux réglementations légiférées. 5. Le mépris des savants, en les rabaissant, en les raillant, et en raillant leur fatwa, en les accusant qu'ils méconnaissent le réel, qu'ils sont des agents des gouverneurs, et en les insultant de ceux dont ils sont innocents. 6. Leur animosité envers les vrais salafis, surtout envers ceux qui les critiquent, c'est-à-dire envers ceux qui s'adonnent à la science de Al-Jarh wa Ta'dil. Et ils les accusent d'être des khawarij à l'égard des du'at, des khawarij à l'égard des prédicateurs, et comme étant des morji'it vis-à-vis des gouverneurs. 7. Le septième point, ou le septième trait, leur alliance avec des gens d'innovation connus, et ils minimisent leur bid'ah en les considérant comme des erreurs de ijtihad. 8. L'obéissance aveugle à leur chouyour, à l'instar de celle des soufis. 9. Ils se font passer pour des salafis, et dès que l'occasion se présente, ils affichent leur sectarisme, hizbiya, et leurs normes innovées et corrompues. Le 10e point, ils mettent des théorisations corrompues afin de protéger leur propre personne et leurs alliés parmi les gens de passion, comme les hizbis et les conteurs d'histoire, al-qussas, et ils glissent ces nouvelles règles comme si elles étaient salafis, comme leur innovation dite al-muazanat. Avant de passer aux égarements de al-Huwayni, nous rappelons que d'autres savants aussi avaient mis en garde contre Muhammad Surur ou Muhammad Surur, et ce sont des antériorisations dont Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Zayd Al-Madkhali et d'autres savants. Qu'Allah les agrée et qu'Allah les ait en miséricorde. Rappelons aussi cette parole de Muhammad Surur. Il dit: Nazartu fi kutub al-aqidah fara'aytu annaha kutibat fi ghayri asrina وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه رغم أهميتها وتشابه المشكلات أحيانا ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف لأنه نصوص وأحكام ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الله المستعان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله page 8 du premier volume. Traduction de cette parole. Il dit: j'ai considéré les livres de Aqida, les livres de croyance, et j'ai trouvé qu'ils furent écrits dans une époque qui n'est pas la nôtre. Ils étaient des solutions pour des questions et des problèmes pour la période où ils furent écrits, en dépit de leur importance et la ressemblance qu'ils ont parfois avec nos problèmes. Cependant, notre époque a ses propres problèmes qui demandent des solutions nouvelles. De là, on peut dire que le style du livre de Aqida contient beaucoup d'aridité et de sécheresse, car c'est des textes et des jugements. C'est pourquoi beaucoup de jeunes s'en sont détournés et ils les avaient négligés. Tiré de la méthodologie des prophètes dans la prédication à Allah de Muhammad Surur. Fin de cette citation. Remarquez cette insolence d'intituler un livre qui contient ce genre de corruption de la sorte, de l'intituler ainsi, Manhaj al-Anbiya fi al-Da'wa. Cette citation suffit pour juger de son ignorance de l'islam, qui est une aqida avant toute chose. Mais voici une autre citation de Muhammad Surur. Il dit, وَلَا يَلْقَدِي عَجَبِي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد العبيد وسيدهم الأخير نصراني يقصد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب. Traduction de cette parole. Mon étonnement ne s'arrête pas de ceux qui parlent tawhid alors qu'ils sont les serviteurs des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs. Tandis que leur maître ultime est chrétien, il veut dire l'ex-président américain George Bush le père. Fin de la citation. Remarquez encore une fois cette veine et cet acharnement dans le takfir, cette foi vis-à-vis des grands savants de la Ummah. Wallah al-Musta'an. Passons à présent au vif du sujet, c'est-à-dire à la réfutation de l'innovateur Abu Ishaq Huwaini, et ce en 9 points. Le premier point, al-mukhalafatul ula, takfir al-Huwaini lil-musarri al-ma'siya. La première remarque, al-Huwaini déclare mécréant le pécheur qui persiste dans l'erreur, dans le péché. Voici d'abord le texte en arabe. سئل الحويني في درس شروط العمل الصالح الجزء الثاني هذا السؤال بعض أهل العلم يقولون بكفر فاعل المعصية المصر عليها وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد فأجاب الحويني أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل وهذا كفره ظاهر كأن يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله والزنا حرام لكنني سأفعله هذا واضح الاستحلال فيه فلا شك في كفري مثل هذا الرجل أما مسألة المعصية غير المصر عليها فلا يكفر بطبيعة الحال وهو مسلم حتى وإن عصى فكلمة يرجع للإسلام من جديد إذا كان قيد الكلام بالاستحلال فهذا لا شك فيه رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها هذا يكفر ويخرج من الملة حتى يرجع إلى الإسلام ولا بد أن يتوب ويغتسل وينطق بالشهادتين ويرجع إلى الإسلام من جديد والله أعلم. Traduction de cette fatwa. Al-Huwaini fut interrogé lors d'un cours sur les conditions des bonnes œuvres. La deuxième partie du cours. La question. Certains gens de science disent que celui qui persiste à commettre le péché est mécréant et que le repentir est une condition pour retourner à l'islam de nouveau. Et Al-Huwaini répondit, l'homme qui persiste à commettre un péché, combien même il sait que c'est un péché, celui-là considère que c'est une chose licite et la mécréance de celui-là est manifeste. Comme qui dit, je sais que l'usure est interdite mais je vais la consommer. Je sais que la fornication est illicite, mais je la commettrai. Ici, il est clair qu'il considère ceci comme chose licite. Il n'y a nul doute de la mécréance de ce genre d'homme. Tandis que pour le péché, sur lequel on ne persiste pas, bien sûr que celui-ci ne contracte pas la mécréance. Il est musulman, même s'il commet un péché. Donc dire qu'il doit revenir en islam, s'il avait mis la condition de al-istihlal, c'est-à-dire de considérer la chose comme étant licite, celui-ci se serait permis le péché. Or, il savait que c'était un péché, il l'avait commis. ce n'était permis. Celui-ci devient mécréant et il quitte la religion jusqu'à ce qu'il revienne à l'islam. Et il faut qu'il se repente, qu'il se lave, qu'il prononce les deux attestations de la foi, ash-shahadatayn, et qu'il retourne à l'islam de nouveau, wallahu a'lam. Ainsi, Al-Huwayni ne distingue pas entre deux choses. La première, al-istihlal al-amali, le fait de commettre le péché par l'acte, par ses actions. Et la deuxième chose, al-istihlal al-i'tiqadi, le fait de croire qu'il serait licite, croire dans son cœur, et l'exprimer par la parole par exemple, ou par l'écrit. Personne parmi les salafs ne s'était exprimé comme Al-Huwayni. Savoir que ceci est un péché et persister à le commettre ne signifie pas qu'on le croit licite. Al-Istihlal, qui rend mécréant, consiste à croire tel péché licite, même si on ne le commet pas. Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidahullah, dit que Al-Huwayni contredit les salafs dans trois points ici. Le premier point, c'est qu'il explique la persistance dans le péché, al-israr al-ma'siyah, comme étant al-istihlal al-i'tiqadi, croire qu'il est halal, licite. Le deuxième point, qu'il met comme condition sine qua non de al-istihlal, le fait de croire que la chose est licite, il met comme condition sine qua non de al-istihlal, le fait de commettre que telle chose est illicite, puis de la commettre délibérément. Le troisième point, qu'il juge celui qui persiste dans le péché comme étant un mécréant, kafir. Ibn al-Athir, rahimahullah, considère que celui qui fait al-istighfar, c'est-à-dire qui demande pardon, n'est même pas musir al-ma'siyah. Ce n'est pas quelqu'un qui demeure dans le péché. Et les gens de science ont des définitions différentes de la notion de al-israr al-ma'siyah, le fait de persister sur le péché. Les gens de science ont plusieurs avis concernant la définition de cette notion. La première définition, les uns disent al-israr, c'est de se maintenir dans le péché sans istighfar, sans demander le pardon. C'est-à-dire sans istighfar et sans at-tawba, sans le repentir. Et c'est l'avis de Qatada. Le deuxième avis, celui qui décide le péché, le perpètre et ne s'arrête pas. Et c'est l'avis de Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et de Mujahid, rahimahullah. Le troisième avis, taire son péché et ne pas faire d'istighfar. Et les gens de la Sunnah sont unanimes que celui qui vient à Allah en statut de pécheur, en statut de Moussir al-Ma'siyah, il dépend de la volonté d'Allah. Ou bien il le punirait, ou bien il lui pardonne. Et s'il le punit pour les péchés qui n'atteignent pas la mécréance, ou qui n'atteignent pas l'associationnisme, un shirk, il ne l'éterniserait pas en enfer. C'est l'avis des gens de la Sunna, contrairement aux avis de Al-Khawarij et des Mu'tazilites, qui voient que tout péché majeur mérite le feu perpétuel. Après cela, Al-Huwayni, au lieu de reconnaître cette erreur, et de reconnaître que c'est une erreur, et que c'est une erreur flagrante, et s'en repentir, il persiste. Il voulut détourner le sujet, tendant en disant qu'il ne croit pas que le pécheur, contractant un péché majeur, serait mécréant. Tendant en considérant le cas dont il parla la première fois, comme relevant de la mécréance, d'orgueil et d'opiniâtreté. C'est-à-dire, ce qui s'exprime en arabe, كفر إباء واستكبار. Or, il s'agit là de trois cas ayant des jugements différents. Il s'agit de trois choses différentes. Trois choses différentes. La première chose, le premier point, le premier cas, Al-Mansir al-Masiya. C'est le point dont il s'agit avec Houaini. Al-Mansir al-Masiya. Celui qui demeure sur un péché, par son acte ou par l'intention. Le deuxième cas, le cas de At-Takfir Bizan. Ce n'est pas ce dont il s'agit avec Houaini pour l'instant. At-Takfir Bizan. Déclarer tout un chacun qui contracte un péché majeur comme étant mécréant, comme ayant apostasié. Al-Houaini détourne l'attention de ce côté en rappelant que lui, il n'est pas d'avis de le rendre mécréant. Il fait croire ainsi à beaucoup de gens, surtout des jeunes ignorants, qui ne demandent pas la science légiférée. Il fait croire ainsi à beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens, que les gens de science l'auraient accusé de ce cas manifeste, c'est-à-dire du deuxième cas qui est At-Takfir Bizan, n'importe lequel. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le troisième cas, Kufr al-Iba, le fait de désobéir exprès, faisant fi du jugement légiféré, et peut-être même en le raillant. Ceci est un troisième cas différent. Or, la critique adressée à Houaini ne portait pas non plus sur ce point, sur ce type, le troisième type qui est Kufr al-Iba. Elle portait, je le rappelle, sur le premier point. En fait, ce qui lui est reproché, c'est son takfir du premier cas et d'avoir établi une analogie directe et automatique entre Al-Mansir, c'est-à-dire celui qui ne se repent pas, qui ne s'arrête pas, qui ne fait pas le sirfar, qui ne revient pas à Allah, entre celui-là et entre Al-Mustahil. Or, Al-Mansir est d'abord un cas situé au niveau de l'acte, Al-Sihlal Al-Amali, il s'est permis la chose. C'est-à-dire la main par exemple, ou par son sexe par exemple. Il n'est pas nécessairement synonyme de al-istihlal al-qalbi, al-istihlal al-tiqadi. C'est-à-dire le fait de croire que tel péché est licite, halal, même si on ne le commet pas. Donc, l'analogie établie par al-Houaini entre al-Mansir et Al-Mustahil est nul et non avenu. Par ailleurs, Al-Houaini avait considéré le péché majeur comme un acte de mécréance, c'est-à-dire dans un autre endroit, dans une autre fatwa. Qu'est-ce qu'il a dit? On va voir. Al-Houaini avait considéré le péché majeur comme un acte de mécréance, chose qu'il désavouait pourtant. Mais qu'Al-Houaini croire? Il dit: صار كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل يذكر الله مثلا أو يعبده بطريقة مبتدعة يقول لك سيبه، مش غيره سهران في شارع الهرم بيشرب خمرة، صاروا يقارنون أهل البدع بأهل الكفر، فرأوا أن أهل البدع على خير عظيم. درس Nida al-Ghuraba. Traduction de ce morceau, de ce fragment de takfir. Allah al-Musta'an. Il dit, beaucoup de gens qui émettent des fatwas commencent à tolérer les innovations à cause de ce qu'ils voient de mécréance explicite s'opposant à elles, c'est-à-dire s'opposant aux innovations. Par exemple, regardons dans les exemples qu'il va donner. Par exemple, un homme qui invoque Allah, ou bien qu'il adore d'une manière innovée. Ce moufti te dirait, laisse-le. N'est-il pas qu'un autre est en train de veiller dans le boulevard de Al-Haram pour boire l'alcool? Donc il commence à comparer les gens d'innovation aux gens de mécréance. Et il pense que les premiers, c'est-à-dire les gens d'innovation, ont beaucoup de bien. Fin de la citation, de la traduction de la citation de Al-Huwayni. Dans ce passage, Al-Huwayni donne comme exemple de mécréance le fait de boire le vin. Et au cours du même dars, Al-Huwayni confirme ce souffle takfiri en considérant la femme qui exhibe sa nudité également comme un cas de mécréance. Il dit de celle qui ne se repent pas sur cette question de délaissement de Al-Hijab al-Shar'i. Qu'est-ce qu'il dit? Khala'at nafsaha min diniha wa hiya la tadri. Traduction. Elle s'est fait arracher de sa propre religion sans le savoir. Fin de traduction de cette citation de Al-Huwayni et fin du premier point de réfutation. Passons maintenant au deuxième point qui s'intitule Al-Mukhalafatu Thaniya. تسرع الحويني في التكفير دون الانضباط بضوابط أهل السنة. La deuxième remarque, الحويني se hâte dans le jugement de التكفير sans observer les conditions des gens de la Sunna. Voici un exemple de précipitation de الحويني dans le jugement de التكفير. La question, سئل الحويني كما في فتاوى العقيدة على موقع على النت. ما حكم رجل يسب الدين وهو تارك للصلاة بالكلية ويتعامل بالربا ويخالط النساء ويصافحهم ويمنع أولاده من الصلاة ويطردهم؟ جواب الحويني: أولا، إن كانت هذه الصفات موجودة فعلا في هذا الرجل وجب على زوجته أن تطلب منه الطلاق وإلا أثمت. ثانيا، سب الدين فقط كفر مخرج من الملة، وتارك الصلاة يكفر على رأي شطر من أهل العلم، كذلك يصد عن سبيل الله ويمنع أولاده من الصلاة ويأكل الربا الذي حرمه الله. مثل هذا الرجل أقل ما يقال فيه أنه كافر، والله تعالى أعلم. انتهى. Traduction de cette fatwa. Al-Huwayni fut interrogé quand c'est publié dans Fatawa al-Aqida sur son site internet. Quel est le jugement d'un homme qui insulte la religion et il délaisse la prière complètement et il use de l'usure, il fréquente les femmes et leur tend la main, c'est-à-dire pour les saluer, il interdit à ses enfants de prier et il les expulse? La réponse de Al-Huwayni: premièrement, si ces caractéristiques se trouvent effectivement chez cet homme, sa femme se doit de demander le divorce, sinon elle aura des péchés. Deuxièmement, insulter la religion à lui seul est un acte de mécréance qui fait sortir de la religion. Celui qui délaisse la prière serait mécréant selon l'avis d'une partie des gens de science. Il y a aussi qu'il obstrue le sentier d'Allah et qu'il interdit à ses enfants de prier et il consomme l'usure qu'Allah avait interdite. Un homme comme celui-ci, le moins qu'on puisse dire est qu'il est mécréant, kafir. Et Allah Ta'ala est plus connaisseur. Fin de la fatwa. Il est clair que Al-Huwayni avait établi son jugement ici sur l'ensemble de ces cinq péchés majeurs, comme s'il s'agissait d'une opération mathématique. Il y a lieu de dire que pour le fait d'insulter la religion, s'il s'agit d'insulter l'islam, c'est un acte de mécréance. Or, généralement, ce n'est pas ce à quoi pensent ceux qui insultent la religion, Sabbuddin. Ils ne pensent pas à insulter l'islam. Ils pensent plutôt à insulter le comportement de la personne. Tandis que pour le délaissement de la prière, paresseusement, il y a divergence des savants sur ce point en deux avis très connus, et que seuls les haddadi veulent cacher d'ailleurs. Exemple numéro 2 de la précipitation de Al-Huwayni dans le jugement de At-Takfir. Al-Huwayni avait dit de Sheikh Al-Azhar: wa fil fiqh yuharrimu wa yuhallilu kama yuridun wa fil lugha wa fil tafsir wa fil kulli shay. Traduction: et dans le fiqh, ils rendent illicite ou licite comme ils veulent, ainsi que s'agissant de la langue et de l'exégèse et dans toutes choses. Fin de la traduction de ce morceau. Il fallait dire qu'ils suivent leur passion et sont plutôt soucieux de leur poste, non pas qu'ils croient licite ce qu'Allah avait rendu illicite, ou le contraire. Non, il ne fallait pas s'exprimer ainsi devant les gens. Il ne fallait pas donc prononcer cela même devant Talab al-Ilm. Parce que ce n'est pas le cas. Il faut donc établir la preuve sur les gens pour parler de la sorte. Car, quand ils s'expriment de la sorte, les jeunes qui l'écoutent pensent que Cheikh al-Azhar, qu'il est mécréant, qu'il est kafir, pour ce qui précède, pour cette manière de s'exprimer de Al-Huwayni dans ses durous. Al-Mukhalafatu al-Thalitha. الحويني يرفع شعار سيد قطب في كتابه معالم في الطريق إن أخص خصائص توحيد الإلهية توحيد الحاكمية. La troisième remarque, الحويني brandit le slogan de سيد قطب dans son livre Des repères sur le chemin. Ce livre est de قطب. Quel est ce slogan? La particularité la plus caractéristique du monothéisme de l'adoration est Tawhid al-Hakimiyya, adorer Allah en gouvernant par ses lois. La règle inventée par Sayyid Qutb et qu'il enfonça dans son livre Ma'alim fi Tariq, des repères sur le chemin, sur le sentier. Cette règle est devenue le slogan par excellence du mouvement de Al-Sururiya, Al-Qutbiya. Voici la parole de Al-Huwayni dans un sermon du vendredi intitulé Tawhid al-Ilahiyya. Il dit: Fahimu ma'na la ilaha illallah al-hukm. C'est-à-dire, il parlait des Arabes. Fahimu ma'na la ilaha illallah al-hukm. Li'annahum mu'tarifin. Kaza. Was-sawab mu'tarifun. لأنهم معترفين أن الله خالق رازق محيي مميت فما قاتلوا على هذا المعنى لأنهم وافقوا عليه ويقرون به ويؤمنون به إذن فلماذا قامت الحروب لأجل توحيد العبادة ومن أخص خصائص توحيد العبادة إن الحكم إلا لله هو الذي يأمر وإذا أمر فلا يحل لمسلم أن يلقاه يوم يلقاه أن يخالفه فضلا عن أن يضع تشريعا يضاد حكمه لذلك هم أشد عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضادون الله في حكمه. Traduction. الحويني parlait des Arabes lors de l'avènement de l'islam. Il dit d'eux: ils avaient compris de la ilaha illallah le pouvoir, le gouvernement, car ils reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, donnant la vie et la retirant. Ils n'avaient pas combattu pour ce sens, car ils l'avaient accepté, reconnu et y croyaient. Donc pourquoi les guerres s'étaient engagées? C'était pour le monothéisme de l'adoration. Et parmi les traits les plus caractéristiques, les plus particuliers du monothéisme d'adoration, il y a que le pouvoir n'appartient qu'à Allah. C'est lui qui ordonne. Et quand il ordonne, il n'appartient pas à un musulman qui espère rencontrer Allah de le contrarier, et moins encore de légiférer une loi contredisant la sienne. C'est pourquoi ils sont les plus châtiés chez Allah le jour de la résurrection, ceux qui contrarient Allah dans le gouvernement. Fin de traduction de cette citation. Comparons maintenant cette parole avec une citation de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb disait: wa akhiran yadkhulu fi itar al-mujtama' al-jahili تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ولأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله. Comparons cette phrase avec l'autre de Al-Huwayni. تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا. انتهى من معالم في الطريق. Traduction. قطب ديزي، سيد قطب disait, et enfin, il fait partie de ces sociétés de jahiliya, ces sociétés qui se prétendent être musulmanes, et ces sociétés n'entrent pas là à cause d'une croyance de divinité en un autre qu'Allah, ou qu'elles présentent des cultes d'adoration à autre que lui, mais elles entrent dans ce cadre car elles ne se soumettent pas à Allah par l'adoration dans son mode de vie, même si elles ne croient pas en la divinité d'un autre qu'Allah. Elles accordent le trait le plus particulier, comparez cela avec la phrase de l'Huwayni, elles accordent le trait le plus particulier de la divinité à autre qu'Allah, et croient donc en une hakimiya autre que celle d'Allah, et elles reçoivent de cette hakimiya son mode de vie, son système, ses lois, ses valeurs, ses normes, ses coutumes et traditions, et presque tous les éléments de sa vie. Fin de cette citation. Voici maintenant une autre parole, toujours de Sayyid Qutb, extrait de Az-Zilal, volume 2, page 1057, où il y a un takfir explicite de l'humanité entière, sans exception. Sayyid Qutb dit, « لقد استدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى زور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مرادف الألوهية الحاكمية مرادف الألوهية ومخسلة سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة فليس لها إذن حق الحاكمية. Remarquez comment ils comprennent la aqida, subhanallah al-azim. Quel jahl, quelle ignorance. Il dit, فَالْأَفْرَادُ كَالتَّشْكِيلَاتِ كَالشُعُوبِ لَيْسَتْ آلِهَا فَلَيْسَ لَهَا إِذَنْ حَقُّ الْحَاكِمِيَّةِ إِلَّا أَنَّ الْبَشَرِيَّةِ عَادَتْ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ وَارْتَدَّتْ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد ما كانوا في دين الله انتهى. Traduction de cette citation de Sayyid Qutb. Il dit, l'histoire avait changé jusqu'à reprendre l'état qu'elle avait quand cette religion avait amené à l'humanité La ilaha illallah. Car l'humanité avait apostasié en faveur du culte des serviteurs des hommes et s'était muée en une injustice des religions. Elle s'était rétractée de la ilaha illallah, même si un groupe parmi elles continua à répéter sur les minarets la ilaha illallah, sans pour autant en percevoir le sens, sans viser ce sens et sans refuser la légitimité de Al-Hakimiyya que les hommes prétendent pour leur personne et qui est synonyme de Al-Uluhiyya. Remarquez comment ils comprennent la Aqida. Al-Hakimiyya est synonyme de Al-Uluhiyya. Allah al-Musta'an. Quel gel, quelle ignorance. Il dit Al-Hakimiyya qui est synonyme de Al-Uluhiyya. Al-Hakimiyya que les hommes prétendent pour leur personne et qui est synonyme de Al-Uluhiyya. Que ce soit une prétention individuelle, de commission législative ou de peuple, car les individus, comme les commissions et comme les peuples, ne sont pas des divinités. Remarquez comment ils comprennent la Aqida. Et donc, ils n'ont pas droit à Al-Hakimiyya. Pourtant, l'humanité retourna à Al-Jahiliyya, c'est-à-dire la période pré-islamique. Elle avait apostasié en délaissant la ilaha illallah, en donnant à ses hommes les caractéristiques de divinité, et elle n'adorait plus Allah par l'unicité, et en lui consacrant toute l'alliance. L'humanité entière, y compris ceux qui répètent sur les minarets d'Est et d'Ouest les termes de la ilaha illallah, sans signification ni réalité. Et certes ceux-ci ont un péché plus lourd et auront un châtiment plus douloureux le jour de la résurrection, car ils avaient apostasié pour adorer des hommes après que la guidée leur était apparue et après qu'ils étaient dans la religion d'Allah. Fin de citation de Sayyid Qutb. Remarquez que les termes de Al-Huwayni sont presque identiques à ceux de Sayyid Qutb. Et Al-Huwayni défendit cet égarement à maintes reprises dans plusieurs cours. C'est pourquoi Cheikh Abu Abd-A'la Hafidullah dit que ceci est devenu un slogan pour Al-Huwayni, un slogan aussi bien pour Al-Huwayni que pour Sayyid Qutb. Ceci est devenu un slogan pour Al-Huwayni, comme c'est attesté dans les endroits suivants par exemple. Dans le cours intitulé « Fiqh al-amri bil-ma'ruf wa nahi anil-munkar » cassette numéro 1, face B, enregistrement Al-Manar, Kafr al-Sheikh. Et il dit aussi, dans un autre endroit, « Fahal mathalan, tawhid al-hakimiyya, la yadkhulu fi tawhid ilahiyya, id-dunya kulliha bit'ul yadkhul » Remarquez, Telbis, la confusion qu'il veut semer. Il dit, فَهَلْ تَوْحِدْ الْحَاكِمِيَا لَا يَدْخُلْ Les gens de science ne te reprochent pas est-ce qu'ils entrent au nom d'un tawhid ilahiyya. Ils te reprochent de le caractériser, de le considérer comme la caractéristique particulière de l'ilahiyya. Lui, il dit, فَهَلْ تَوْحِدْ الْحَاكِمِيَا لَا يَدْخُلْ فِي تَوْحِدْ الْإِلَهِيَا الدُّنْيَا كُلُّهَا بِتْعُولْ يَدْخُلْ لِأَنَّ Remarquez cette justification qu'il va amener. يدخل توحيد الحاكمية يدخل في توحيد الإلهية لأن المشركين رضوا بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليهم. Méditez bien cette justification. Méditez bien comment il conçoit les termes de l'Aqida. Traduction de cette citation. Al-Huwayni dit, est-ce que Tawhid al-Hakimiyya n'entre pas dans le monothéisme de l'adoration? Ainsi, il veut semer une confusion chez les jeunes, comme quoi, est-ce que les gens de science lui reprochent de parler de l'Hakimiyya? On ne lui reproche pas de parler de l'Hakimiyya, on lui reproche de la considérer comme la qualité particulière et spécifique, et que c'est elle la qualité de l'adoration où il n'y a pas d'adoration. Voilà donc la traduction. Est-ce que Tawhid al-Hakimiyya n'entre pas dans le monothéisme de l'adoration? toute la terre dit qu'il y entre, puisque, remarquez cette justification, toute la terre dit qu'il entre, et qu'il y entre, puisque les associateurs avaient accepté Allah comme Seigneur, et refusèrent qu'il soit gouverneur sur eux. Fin de la traduction de la citation. Remarquez comment, chaque fois, il résume le différent entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquines dans Al-Hakimiyya. Et il résume l'adoration dans Al-Hakimiyya. Et dans un autre endroit, il dit aussi, c'est-à-dire dans une cassette intitulée Madhhab al-Shaytan, l'école de Satan. Il dit, Tawhid ibada. في مثل قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Voilà, il va parler de Tawhid al-Ibada, il ne va citer que les versets de Al-Hukm. Tawhid al-Ibada في مثل قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق يعني يقضيه. وفي الرواية الأخرى المتواترة وهي قراءة حمزة وأبي عمرو بن العلاء والكسائي وخلف. هذه الرواية يقضي الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Et le Huwaini conclut, voici la synthèse de tout cela. فهذا هو توحيد العبادة إن الحكم إلا لله توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية. انتهى. Traduction de cette citation. Le monothéisme de l'adoration, c'est comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il va parler du monothéisme de l'adoration et il ne va citer que des textes qui parlent de jugement. Comme si l'adoration se résumait dans le jugement, dans le gouvernement par la loi d'Allah Azza wa Jal. Il dit, voici le premier verset. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Yaqussu al-haq, c'est-à-dire qu'il le recommande. Et dans notre version, yaqdi al-haq. Surat al-An'am, les bestiaux, verset numéro 57. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Surat Yusuf, Joseph, verset 40. C'est lui Allah, pas de divinité à part lui. À lui la louange ici-bas comme dans le delà. À lui appartient le jugement. Et vous lui serez ramené. Surat Al-Qasas, le récit, verset 70. Tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement. Surat Al-Qasas, verset 88. Et c'est Allah qui juge. Personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 41. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Surat Al-Qasas, verset 68. Et voici la synthèse que va nous dire Al-Huwaini. Il dit après ces versets, voilà ce qu'est Tawhid al-Ibada, le monothéisme de l'adoration. Le jugement n'appartient qu'à Allah, Tawhid al-Hakimiyya. Le trait le plus spécifique et le plus caractéristique de Tawhid al-Uluhiyya. Fin de citation de Al-Huwaini. Remarquez comment il résume l'adoration dans le jugement. Où sont passées les autres adorations comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, l'invocation, l'immolation, etc., etc. Où sont passées toutes ces adorations? Et il dit aussi, comme c'est dans la Qasas intitulée Madakh et le Shaitan, par où Shaitan, Satan s'infiltre. Al-Huwayni dit, إن العرب قاتلوا حتى لا يكون الحكم لله. Regardez ce mensonge. إن العرب قاتلوا حتى لا يكون الحكم لله. يريدون أن يحكموا ويشرعوا بأهوائهم وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله. توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل. فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله. توحيد العبادة. Regardez la confusion. توحيد pour lequel le prophète aurait combattu, c'est توحيد الحاكمية. Quel mensonge. Quel mensonge à l'égard du prophète صلى الله عليه وسلم. Traduction de cette citation. Les Arabes avaient combattu pour empêcher que le jugement soit à Allah. Ils voulaient gouverner et légiférer à leur guise. Ils refusèrent d'unifier Allah par l'adoration, qui consiste à se soumettre à la loi d'Allah Azza wa Jal. Ceci est bien le monothéisme pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattit les Arabes. Quel mensonge! Quel mensonge! Ceci, dit Al-Huwayni, ceci est bien le monothéisme pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattit les Arabes. Et il dit que ce monothéisme, c'est le monothéisme d'adoration. Fin de citation. Je répète cette citation. Les Arabes avaient combattu pour empêcher que le jugement soit à Allah. Ils voulaient gouverner et légiférer à leur guise. Ils refusèrent d'unifier Allah par l'adoration qui consiste à se soumettre à la loi d'Allah. L'adoration qui consiste à se soumettre à la loi d'Allah Azza wa Jal. Ceci est bien le monothéisme pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattit les Arabes. Le monothéisme d'adoration. Fin de citation.